ça, on commencera dans une première demi-heure qui sera consacrée aux expositions liées à ce festival. En deuxième demi-heure, on portera un regard sur des événements, sur des lancements liés à l'événement. Et en troisième demi-heure, eh bien là, ce sera des albums qui seront observés, qui seront analysés, décortiqués en compagnie de leurs auteurs. Et également une émission qui sera essentiellement consacrée au panorama BD de la ville de Québec et de la province de Québec, un regard sur la BD d'ici. Alors, au fil de l'émission, on aura l'occasion de discuter notamment avec Michel Falardeau, avec Julie Rochelot, avec Julie Delporte, avec Iris Zviane, avec Mira Falardeau également. Et on va commencer dans quelques instants avec Philippe Girard. Parce qu'il faut dire, en fait, justement, dans les bibliothèques de Québec et à l'extérieur des murs du Salon international du livre de Québec, eh bien, il y a plusieurs expositions. Dans les bibliothèques, on pense notamment à des expositions consacrées aux planches de GF, donc science-fiction, du côté de la Bibliothèque Saint-Jean-Baptiste. Il y a une très belle exposition également de croquis, croqué par Guy Delisle lors de son passage à Québec l'été dernier à l'établi. Et entre autres également, si on passe du côté de la bibliothèque du Collège des Jésuites sur le boulevard René Lévesque, et bien, on découvre une exposition de planches tirées de Passion Rougeman, donc un fanzine qu'on a découvert donc d'abord sur le web, ensuite quelques extraits à l'intérieur de l'ouvrage collectif Je me souviendrai, et ensuite en format donc papier fanzine qui a été un sold out de manière assez massive et assez rapide, et donc maintenant ben, en version autre, en version exposition. Et pour nous en parler, ben, l'auteur est avec nous, Philippe Girard, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Et Philippe, justement, en fait, de ce qu'on m'a dit côté organisation de l'événement, on voulait justement essayer de trouver des manières d'intégrer le printemps érable, donc les événements de mars, avril, mai dernier au festival, parce que ça a été un bassin créatif assez imposant au niveau de la bande dessinée. Et qu'est-ce qui fait justement qu'en tant qu'auteur, on a été inspiré par ça, ou on a envie de proposer quelque chose en lien avec le conflit étudiant? En fait, je dois dire que moi, voir les policiers qui tapaient sur nos enfants, ça m'a donné le goût de dire que ça n'avait pas de bon sens. Vraiment, ça a été ça ma source d'inspiration. J'avais beaucoup de sympathie pour les étudiants. Je trouvais que c'était une cause qui valait la peine d'être défendue. En tout cas, la gratuité scolaire, on n'en est pas là, mais en tout cas, disons, de maintenir les frais de scolarité à un niveau bas, là. Donc, c'est venu assez spontanément, ce qui me concerne. Vraiment, là, à un moment donné, c'est sorti tout seul. Il y a eu une première BD de 4-5 pages de Passion Rougeman, puis les autres histoires ont défilé très, très rapidement aussi. Puis j'avoue, le fait de publier une page comme ça sur le web presque à tous les jours, je recevais tellement de retours des lecteurs aussi que c'est devenu très, très stimulant et très motivant de continuer. Donc, l'album est né, dans le temps de le dire, presque spontanément. Et justement, en fait, c'est un peu l'idée d'utiliser son médium pour avoir une implication, avoir une voix au niveau social. Et je pense que, en fait, des années récentes, ça ne s'était pas vraiment vu non plus au Québec, une initiative comme ça, parce qu'il y a eu toi, mais il y en a eu plusieurs autres, au point où il y avait même une manif de bonhomme à un moment donné sur le web. L'affaire qu'il faut comprendre, c'est que faire de la BD politique, c'est un travail de paresseux, parce que les politiciens sont tellement imbus d'eux-mêmes et tellement vaniteux qu'ils disent toutes sortes de conneries de toute façon. Donc, on a juste à les écouter puis à prendre ça en note. Puis ils travaillent pour nous, en fait. Donc, c'est ce qui est arrivé avec Passion Rougeman. J'écoutais les politiciens comme ça donner leur avis, répéter des conneries à longueur de journée. Puis vraiment, les histoires s'écrivaient toutes seules. Le reste, moi, dans le fond, je n'étais qu'exécutant dans ce projet-là. C'est ce qui est fantastique, en fait, avec les politiciens, c'est que qu'importe la couleur, qu'importe le parti, ce sont tous des gens extrêmement prétentieux. Et à un moment donné, ils perdent le focus sur leur vraie importance dans le rôle social. Ils se sentent plus grands que la cause, plus grands que le ministère qu'ils défendent. Donc, c'est fantastique. En fait, ils deviennent une mine d'or de travail pour les dessinateurs et les caricaturistes. Donc, en fait, tu prenais des notes, tu brainstormais un peu au fil de la journée. Ben, je jouais à la radio, à l'heure des bulletins de nouvelles, là, puis je les écoutais parler, puis je prenais des notes, puis vraiment, tout venait presque naturellement. Là. Et par la suite, on m'a demandé de faire une page pour le journal Le Devoir aussi au mois de novembre, dans le cadre du Devoir des écrivains. Et là, on était en pleine commission Charbonneau à ce moment-là, puis c'est la même chose. J'écoutais ça aller, des coffres forts qui débordent d'argent, de l'argent caché dans des bas. Je me suis dit, mon Dieu, j'aurais voulu écrire ça dans un scénario, on m'aurait dit que j'exagérais, mais non, c'était la réalité. Donc, encore une fois, j'ai juste eu à les écouter parler, prendre des notes, puis tout le reste est venu tout seul. Et dans Passion Rougeman, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment t'as choisi d'attaquer le sujet par un pastiche des comics, des bandes dessinées de super-héros à l'américaine. Donc, le mot est bien choisi. J'ai choisi d'attaquer le sujet avec un super-héros non-violent. Parce que évidemment, les politiciens n'arrêtaient pas de répéter que c'était les étudiants qui étaient les agressifs, blablabla. Donc, alors que moi, j'avais la prétention que c'était l'inverse. Donc, j'avais décidé, oui, d'attaquer le sujet avec un super-héros non-violent. Et c'est ça qui parodiait le genre comique américain des années 50. ça me plaisait parce qu'il y a tellement de clichés qui sont reliés à ce type de bande dessinée-là que même si on n'en a pas lu, on peut comprendre immédiatement le second degré et comprendre à quel point tout ça, c'est ridicule, finalement. Oui, en fait, parce qu'il y a un côté universel à ce genre-là. Comme tu dis, les archétypes sont là, ils sont connus. Qu'on n'ait jamais lu Superman, ben on sait quand même c'est qui. On est exposé à ces images-là, à cette culture-là, de toute façon, soit par le biais de la publicité ou même de l'art, là, parce qu'il y a des peintres pop art, normalement, là, notamment comme Roy Lichtenstein, qui a caricaturé la bande dessinée de super-héros. Donc, on sait tous, grosso modo, ce que ça signifie, ce code-là, en réalité. Donc, c'était comme universel pour moi de taper dans cette culture-là. Là. Oui, puis en même temps, avec la notion justement de super-héros, ben, ça permet de renvoyer les thèmes injustice, etc., de jouer un peu avec le dialogue intérieur, etc., le bon qui est tout bon et le mal qui est tout mal aussi, parce que c'est un peu ça qu'on essayait de nous faire croire à ce moment-là, là, par la bouche des médias et des politiciens. C'est le côté manichéen, peut-être. Ça devenait tellement ridicule, en fait, que tout ça s'est imposé de lui-même. Et au niveau stylistique, en fait, parce que si on regarde Passion Rougemane, si on compare avec d'autres albums, que ce soit La Mauvaise Fille, Rewind, donc La Fête des Morts, donc ton autre corpus, si on peut dire, j'ai l'impression que tu t'es quand même aussi amusé avec le style pour le action héroïsé, si on peut dire. Oui, mais en fait, tout ça, par contre, c'est la partie du travail à laquelle moi, j'ai pas réfléchi, là, dans le sens que, bon, j'ai démarré ce truc-là très spontanément avec les crayons que j'utilise de toute façon en temps normal. Mais il y avait un tel décalage entre le ton entre le ton que moi je voulais donner au récit et le type de médium que je voulais aborder, soit la BD de super-héros, qu'il y a quelque chose qui s'est imposé de lui-même, en fait. Je voulais pas faire de la BD réaliste parce que c'est trop long puis ça m'ennuie, mais en même temps je voulais qu'on sente qu'il y avait cette espèce de volonté de caricaturer aussi, donc c'est venu très naturellement, en fait. Donc, vraiment instinctif, puis à un moment donné, tu regardes, tu dis, hey, mon Dieu, ça marche, ça fonctionne, ça... Ben, je sais pas. En tout cas, moi, je sais pas comment voir tout ça, là. Quand on fait de la bande dessinée, les gens nous parlent tout le temps de style sans arrêt, mais c'est pas quelque chose de réfléchi à ce point-là, le style. On se débrouille tous avec ce qu'on sait faire, en fait. Moi, je suis pas différent des autres pour ça, là. Je pense que d'une manière ou d'une autre, si on regarde les livres que j'ai faits dans un ordre chronologique, du point de vue du dessin, les choses ont bougé quand même. On sent que c'est pas quelque chose qui s'est figé à un moment donné, puis que j'ai essayé de maintenir en place pendant des années. Et c'est tout le temps un petit peu en mouvance, si on veut. Donc, c'est dans le cas de Passion Rougemane, ça s'inscrit dans la lignée de cette mouvance-là. Exactement, c'est de se dire, enfin, on regarde Philippe Girard, dans le fond, grandir, acquérir d'abord une expérience, puis ensuite, ben, dans le fond, une volonté aussi d'explorer, puis de garder les assises qu'on a connues, mais de bâtir sur ces assises-là aussi, de les développer, puis les amener ailleurs éventuellement. Ben, encore une fois, moi, j'ai pas réfléchi à tout ça, là. Moi, j'ai simplement pris mes crayons, puis j'ai dessiné, puis... Je sais pas, ça s'est fait très naturellement, tout ça. À la limite, le mot-clé autour de ça, c'est instinctif. Instinctif dans la scénarisation, instinctif dans le dessin. C'est en fait, j'ai l'impression que c'est un peu caractéristique de la création dans l'urgence. En fait, le moment se passait là, fallait livrer, c'était au jour le jour. Puis c'est. Je sais pas. En fait, mon ami Vincent Perriot, quand il est venu à Québec il y a quelques années, m'avait laissé une tablette de papier qu'on trouve pas ici au Québec, là, du papier Gerstecker numéro 5, pour ceux que ça intéresse. Et c'est un papier qui boit l'encre, mais seulement l'encre qui vient des stylos. Avec les pinceaux, ça tient mal. En tout cas, c'est pas fait du tout pour ça. Donc, moi, je me suis ramassé. J'avais cette belle tablette de papier-là à côté de mon bureau. Puis, la première chose que j'ai fait quand j'ai commencé à dessiner Passion Rougemane, j'ai enlevé une page de la tablette. Puis, juste en touchant au papier, je sentais que je devais pas y aller avec le pinceau. Je devais y aller au crayon. Donc, tout ça, encore une fois, c'est venu très spontanément. Puis, ça s'est fait sans trop réfléchir. Je voulais que ça aille vite en plus. Donc, c'est ça. Puis, dans le fond, c'est les planches, justement, qu'on retrouve à la bibliothèque du Collège des Jésuites, ben, c'est ces planches-là. C'est l'intégrale de l'album. Scannées par après. C'est pas une BD faite sur ordinateur. Non. C'est toutes les planches ont été dessinées sur papier. C'est l'intégrale de l'album, plus la page du devoir qui est exposée à la bibliothèque. En effet. Et c'est intéressant dans la mesure où on décontextualise aussi. Ça reste l'album, mais là, subitement, il est encadré, il est au mur. On n'a pas la même relation avec l'objet qu'en format fanzine ou sur le web. Peut-être, j'avoue, encore une fois, ça, c'est l'élément que moi, je suis pas en mesure de juger parce que on est toujours mauvais juge de soi-même. Puis en tout cas, moi, je regarde ça un peu avec une certaine distance, j'ai envie de dire, là. Mais oui, je présume que vous avez raison. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est aussi pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le lire. C'est sûr qu'il y a le web qui demeure, qui reste, mais je me rappelle justement en fanzine, et je l'ai mentionné en introduction, ça s'est vendu rapidement. C'est des centaines et des centaines de copies qui sont... Moi, je pense qu'au début, j'avais imprimé 150 copies en me disant que, de toute façon, il allait m'en rester, puis ça allait pas être grave, puis que j'allais passer ça à Noël dans ma famille, puis ça s'est parti instantanément, en fait. Là, ça a pris quelques jours, il en restait plus, donc après ça, j'en ai réimprimé 150 ou 200 autres copies, je pense. Même chose, c'est parti dans le temps de le dire. Puis c'était en vente uniquement chez Phylactère, puis ici à Québec et où donc? Et à Montréal, en tout cas chez Planète BD. Même affaire, ça s'est envolé illico. Donc j'ai fait quelques tirages comme ça, puis c'est, je veux dire, tout ce que j'ai imprimé s'est vendu, là, vraiment. Est-ce que tu as l'impression que le fanzine, justement, devient aussi quelque chose pour toi quand tu t'amuses, quand tu fais des expérimentations comme ça, sans un contexte d'édition? Dans le fond, c'est un processus que tu as envie de reproduire avec d'autres idées, d'autres... Ben oui, sans doute, mais encore une fois, là, ce fanzine-là, ça se faisait dans le feu de l'action. Si j'avais voulu faire un album plus conventionnel avec ça, il aurait fallu que j'attende des mois avant que le livre sorte. Le printemps érable aurait été terminé. Sorti de son contexte, ça aurait eu sans doute beaucoup moins d'impact. Donc, il fallait que ça se fasse... Sur d'autres sujets, en fait. Sur d'autres sujets, oui. Pourquoi pas? J'avoue, moi, ça faisait quand même presque une dizaine d'années que j'en avais pas fait de fanzine. C'est donc, d'y revenir comme ça, j'ai trouvé ça super amusant. Puis, c'est sympathique. Le fanzine, c'est un objet qu'on vend, mais aussi qu'on échange, qu'on amène en voyage avec nous. J'en ai amené à Angoulême au mois de janvier dernier. Puis bon, je l'ai fait circuler aussi. Ça, c'est vraiment... très intéressant. Ça devient comme une carte de visite, puis un objet que, comment dire, c'est un objet sans prétention qu'on fait circuler, en fait. Mm-hmm. C'est ça, c'est un livre qui voyage. C'est super intéressant pour ça. Et parallèlement, Philippe, donc ça, l'exposition Passion Rougemont, donc c'est jusqu'au 24 avril, d'ailleurs, on a quand même un certain temps, à la bibliothèque du Collège des Jésuites. Et parallèlement, en fait, il faut dire aussi que tu as collaboré au projet en vitrine, donc l'idée de mettre notamment la bande dessinée sur les vitrines de certains commerces pour Saint-Jean-Baptiste. C'est venu, en fait, le projet, bon, il y a eu plusieurs évolutions, itérations, mais au départ, c'était l'idée un peu d'amener la BD à l'extérieur du Salon du Livre, à l'extérieur des murs des librairies. En fait, moi, on m'a proposé de scénariser ce projet-là, mais c'est pas moi qui est à l'origine du projet lui-même, là. Donc, je saurais pas vous dire c'est quoi les motivations de ceux qui en ont eu l'idée au départ, mais oui, en tout cas, pour ce que j'en sais, là, l'idée, c'était de se servir de la rue Saint-Jean comme d'une immense fresque, si on veut, pour mettre la bande dessinée en valeur. Les vitrines devenant, si on veut, des immenses cases auprès desquelles les lecteurs se baladent et avec lesquelles les lecteurs ont une grande proximité. Alors moi, c'est ça, on m'a mis en main, si vous voulez, l'idée de 17 ou 20 vitrines, je me rappelle plus, dans lesquelles il fallait imaginer cette immense séquence là, à grandeur nature. Alors, c'est ça, au départ, j'avais imaginé un personnage, l'association des gens d'affaires du Faubourg, donc la GAF. Est à l'origine de ce projet-là. Donc, tout de suite, ce mot-là m'a fait flasher, Lagaffe. J'ai pensé à Gaston Lagaffe. Je me suis dit, mon Dieu, on tient un filon. Alors, j'ai imaginé ce petit personnage-là qui s'appelait Gaston. C'était Gaston cherche Lagaffe, en fait. C'est un petit personnage qui a une loupe et qui enquête, qui veut savoir ce qu'est Lagaffe. Et puis, c'est comme ça que ça a démarré, finalement. En ce moment, si vous vous baladez sur la rue Saint-Jean, vous allez voir donc tous ces personnages qui sont peints dans les vitrines des commerces et qui mettent en valeur à la fois la rue Saint-Jean, mais aussi des produits qui sont vendus dans les commerces qui ont accepté de prêter leur vitrine à l'exercice. C'est un exercice quand même intéressant, justement, l'idée de transparence, l'idée de faire un dessin qui va être observé debout, qui va être observé de passage. C'est surtout une séquence qu'on peut lire dans le désordre, ou en tout cas dans un ordre qui n'est pas celui de la lecture, avec lequel il faut jongler, en fait, d'une case à l'autre et qu'on puisse comprendre quand même l'idée, là. C'était ça le défi, en fait. Oui. C'est une espèce de récit... hétéroclite ou en langage savant, on dirait non sequitur, dans lequel on lit les cases dans le désordre et qui doit quand même avoir une certaine cohérence. Donc, un bon défi de scénarisation, puis après ça, un défi d'exécution. Les défis d'exécution, on a vraiment mis des spécialistes sur le dossier, là, notamment Pierre Girard. Oui, il y a Bac, Francis Dernay, Jean-Pierre Morin. Des gens qui sont très à l'aise avec ce type d'approche-là, puis ils ont fait du super boulot. Oui, non, ça donne une couleur. Puis justement, il y a un plaisir, je pense, à retrouver la BD, à sentir en festival, j'ai l'impression, en se promenant justement dans la ville, qu'on sache qu'il y a quelque chose qui se passe. J'ai l'impression que ça rend la bande dessinée plus ludique. Puis en même temps, ça la fait sortir de son cadre habituel. Là. C'est comme si la BD se rapprochait des lecteurs ordinaires. Ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et sinon, Philippe, côté projet à surveiller, je pense, en fait, si on va sur ton blog, on voit que tu travailles sur un projet pour un recueil, La musique de la forêt. Non, c'est une petite bande dessinée de 6 pages que j'ai fait pour un recueil qui va être publié chez Glénat. OK. Donc, le thème, c'est la forêt et les bûcherons. Alors, moi, j'ai une petite séquence de 6 pages qui est dans ce recueil-là. Sinon, en ce moment, je travaille sur un deuxième tome de La mauvaise fille. Donc, t'as replongé dans les mémoires de ta grand-mère. Oui, exactement, c'est ça. Donc, un projet qui se passe à Québec dans les années 30, qui est inspiré du journal de ma grand-mère, là, du véritable journal personnel de ma grand-mère. Et est-ce qu'on va jouer encore un peu avec le Philippe Girard et la relation avec... Non, pour l'instant, mon histoire se passait uniquement à ma grand-mère. Là, dans le premier tome, j'avais besoin d'introduire le personnage. Et puis, comme si j'avais puisé mon scénario dans son journal personnel et qu'un journal, c'est pas fait pour être lu par les autres, je me sentais un peu mal à l'aise comme ça de la lancer tout à fait dès la première page dans les pattes des lecteurs. Donc, j'avais eu cette espèce de besoin là, d'expliquer que, bon, ça va être ma grand-mère, puis excuse-moi, grand-maman, de violer ton intimité comme ça. Là. Mais là, maintenant que j'ai fait cette présentation-là, j'ai envie simplement de m'attarder à son cas, à elle. Je trouve ça plus intéressant que... que ce qui m'arrive à moi, en fait. Ah bon, on aura l'occasion de découvrir ça en cours de route. Et je rappelle d'ailleurs aussi, si les gens veulent te voir, tu es en dédicace demain samedi 13 avril de midi à 13h30 au exact. Stand de 363. Également en performance artiste à l'œuvre à 14h. Ah bon? Ah ben, ça, je ne savais pas par contre. Philippe Girard, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Et ben, nous, on prend une courte pause musicale. Tiens, un petit extrait de Sagar and Swing. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur les ondes du 89.1 CKRL et on reste dans la sphère des bibliothèques. Si on va faire un tour notamment du côté de la bibliothèque Gabriel Leroy, eh ben il y a l'événement manga qui a une itération exposition qui est présentée, donc un regard sur le manga pour les adultes, pour les adolescents et pour les plus jeunes également. C'est des expositions qui ont été montées et conceptualisées par Mira Falardeau, donc qui est commissaire de tout ça, et on a le plaisir de l'avoir avec nous pour explorer justement un peu la sphère manga. Mira Falardeau, bonjour. Bonjour. Alors, ben, peut-être justement, événement manga, un sujet qui semble un peu incontournable, de parler du manga, d'amener le manga dans un festival de la BD ou autour de la sphère BD, c'est, je pense, le genre le plus populaire présentement au Québec et au-delà, là. C'est sûr que si on parle de la BD francophone, c'est le tiers des ventes seulement avec le manga, ce qui est énorme étant donné qu'en fait, on parle de traduction. Donc, c'est pas un art original en français et c'est la folie furieuse, surtout sur dans la classe d'âge enfant et moins de 16 ans, là, c'est vraiment... Les jeunes adorent ça actuellement. Oui, parce que j'ai un peu l'impression, en fait, que les 25-35 ans ont un peu grandi avec le manga, avec l'animation. On pense à Astro, Albator et le reste. Et ensuite, qu'il y a eu comme un vide jusqu'aux dernières années où là, le manga est revenu en double force, là, littéralement. En fait, si on veut s'exprimer autrement pour dire la même chose, oui. J'ai l'impression que ça faisait presque partie d'une approche marketing. C'est-à-dire que le manga est rentré dans le marché occidental par le dessin animé. Donc, c'est vraiment un public captif. C'est des enfants. Goldorak, Albator, Princesse Saphir. Et t'es assis devant la télé. T'as pas besoin d'acheter. Tu reçois. Et une fois le manga bien installé, là, les traductions écrites, donc papier, sont arrivées. Avec, évidemment, à ce moment-là, toute la génération qui avait vu le manga enfant et qui, maintenant, pouvait lire non seulement des mangas pour les jeunes, mais aussi des mangas adultes. Parce qu'évidemment, le manga se décline sous toutes ses formes. Suspense, science-fiction, aventure, comédie, érotique et mais en d'autres. Oui, parce que j'ai l'impression que parfois on a tendance à minimiser ou marginaliser un peu la production manga ou avoir l'impression que c'est un genre, un style, c'est un peu, il y a une unicité entre tout ça, alors qu'au contraire, c'est extrêmement éclaté, il y a de tout, et il y a de tous les styles au niveau narration, au niveau dessin. Là, c'est... Oui, ça va souvent ensemble. On a une espèce de comment dire, de voix royale avec le manga classique stéréotypé, mais t'as plein d'œuvres d'auteurs. Puis c'est ça que j'ai voulu plus, disons, mettre en évidence dans l'exposition. Moins le manga stéréotypé avec les grands yeux, les batailles à chaque page, mais plus le manga d'auteur. Donc, la proportion de manga d'auteur est plus forte dans mon expo que dans la vraie vie, parce que je voulais que les gens comprennent, et surtout ceux qui ont encore des préjugés. J'ai entendu dire par la directrice de la section jeunesse de la bibliothèque, Gabrielle Roy, que dans les écoles primaires actuellement à Québec, on n'a pas de manga parce qu'on a encore peur à la trop grande violence des mangas, à la sexualité. Mais il n'y a pas juste ça. Je veux dire, Osamu Tezuka, qui a fait Astro dans le temps, Astro, le petit robot, tout le monde connaît ça. Il a travaillé quand même durant 45 ans, presque 50 ans. Il a fait des trucs, des merveilles. La vie de Bouddha, tu ne pourras pas me dire que ça ne se mettrait pas entre les mains de tous les enfants. C'est de toute beauté. C'est du Hergé, mais à la japonaise. Alors, une ligne claire, mais un style très particulier. Il y a du Taniguchi avec écoute, il y a au moins une vingtaine de grands classiques qui, d'après moi, devraient être dans toutes les écoles. T'sais, un peu comme on mettra pas Shakespeare entre les mains des jeunes parce qu'il y a de la violence. Ça tient pas debout. Là. Mm-hmm. Non, puis c'est à mettre aux côtés des grands classiques, la BD aussi, et en même temps, dans un contexte où l'exploration manga, c'est une exploration au niveau narratif qui était très large. C'était sur la durée, c'est des personnages qui vivaient longtemps. Donc, on peut aller dans le détail, j'imagine, c'est tridimensionnel dans la caractérisation. Mais tout à fait. Moi, d'après moi, le roman graphique, le graphic novel, ça vient de là. C'est-à-dire que le manga puise beaucoup dans l'autobiographie quand tu parles du manga plus sérieux, plus dramatique. Et la taille du manga favorise l'exploration psychologique bien plus. Tu peux creuser des personnages. Écoute, il y a des tomes, il y a des séries de manga qui ont 30, 40 tomes. T'as-tu une idée que le personnage il a envie des choses? C'est des sagas, en fait, souvent. Et ça permet véritablement d'explorer la psychologie des personnages, mais pas seulement leur psychologie. Des fois, c'est des pans de vie au complet. Ce qu'on a pas tellement en bande dessinée occidentale, en tout cas pour le moment. Là, on essaye de développer plus les séries, mais bon, c'est peut-être une mode seulement. Et Mira Falardo, l'exposition justement à la bibliothèque Gabrielle Roy, c'est important de le dire, c'est pas une histoire du manga, c'est plutôt en fait, à travers vos coups de cœur, c'est votre regard, et c'est vous, dans le fond, à travers ça, qui nous introduisez dans cet univers-là. Disons que ce que j'ai fait, j'ai quand même mis mes lunettes de spécialiste de la BD, et c'est ça qu'on explore dans le manga. C'est tout ce qui fait que tu prends un livre de manga et t'es pas capable de l'arrêter avant de l'avoir fini. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que le manga t'accroche? Et l'exposition s'appelle Manga, l'art du mouvement, parce que le manga, par des trucs, lignes de mouvement, mais pas deux, trois petites lignes derrière les pieds, là. Ça explose. Les lignes de mouvement sont multipliées par 100 par rapport aux lignes de mouvement qu'on a dans la BD occidentale, mais aussi par les codes graphiques. C'est un peu la poésie de la bande dessinée. Écoute, ils ont des codes incroyables. Une ligne qui traverse le cerveau, ça veut dire que quelqu'un, tout à coup, a une intuition, etc. Des fleurs dans le ciel, c'est que tout à coup, l'atmosphère est agréable et plaisante. Alors, tout ça, ça fait à la fois les codes, plus les lignes de mouvement, plus beaucoup, beaucoup de figures de style, comme le contraste, la métaphore. Ils font une espèce de mix de tout ça, mais d'une agilité extraordinaire. Je te dis pas qu'il n'y en a pas dans notre BD, mais eux, c'est comme, on dit des fois que trop, c'est comme pas assez. Ben non. Eux, c'est trop et c'est parfait. Il y a une espèce d'emphase qui fait que tu es complètement absorbé par la page puis tu veux connaître la suite. Et ça, c'est le secret du manga et c'est ça que j'essaye de présenter dans l'exposition. Oui, parce qu'au fil de la lecture aussi, il faut dire, on finit par les voir, les codes, par les comprendre, par les analyser, etc., etc. Écoute, les enfants les comprennent à peu près en 10 secondes. C'est des codes qui sont parlants. Puis une fois que tu les as compris, ben ensuite, tu as beaucoup de plaisir parce que tu sais tout de suite dans quel état d'esprit elle protagoniste. Il n'y a pas besoin de dire « Ah, mon Dieu, j'ai peur! » Parce que si tu ne dis pas « Ah, mon Dieu, j'ai peur! » Comment le lecteur le sait qu'il a peur? Là, t'sais? Des fois, on est figé par la peur. Mais là, non. Il y a un petit code qui signifie « Whoop! » Il tremble. Et ça, c'est extraordinaire. Et au niveau de l'apprentissage, c'est-à-dire que le mangaka doit aussi s'approprier ces codes-là, doit s'approprier, dans le fond, un peu tout le cadre de création pour ensuite se lancer dans son interprétation de ce code-là. C'est un genre qui est assez contraignant, entre guillemets. Je croirais plutôt qu'il y a un côté créatif dans ça. Okay. Il y a les codes de base, mais j'ai l'impression que les grands auteurs sont ceux qui arrivent à les décliner à leur façon, puis à en inventer d'autres. Mm-hmm. Bon, évidemment, t'en inventes un, puis à un moment donné, un autre mangaka va t'imiter. Alors, c'est un peu comme en musique. Mais c'est pas figé, dans le fond. Pas du tout. D'après moi, le manga est un art extrêmement vivant à l'heure actuelle. Et à l'intérieur de ça aussi, on parlait de mouvement, de c'est la mise en scène un peu, mais au-delà de ça, c'est pas seulement la planche, c'est dans l'ensemble de l'atmosphère de l'œuvre que comme un mouvement qui nous amène d'une case à l'autre, d'une page à l'autre, etc. Oui, puis il y a aussi le mouvement entre le mangaka et le public. Je pense que le manga a inventé l'interactivité avant le web, parce que dès le départ, le mangaka, il parle au lecteur. Il lui dit des choses, carrément des fois en aparté, tu sais, l'action arrête, puis le personnage se tourne vers le lecteur, puis dit « Bon, qu'est-ce que tu penses de ça? » etc. Mais il y a aussi, parce que d'abord, ça paraît dans les magazines avant de paraître dans des livres, maintenant, ça paraît sur le web avant d'être dans des livres, on demande au lecteur « Ben, dis-nous donc, qu'est-ce qui devrait arriver? » etc. Ça fait que c'est sûr que ça implique les gens. Bon, ils prennent pas toutes les idées, mais ça crée une interactivité. Et aussi, quand tu pognes, par exemple, imagine tu commences une série, t'es au 34, puis t'as pas lu les 33 premiers. À chaque livre, il va te résumer l'histoire, il va te présenter les personnages, il te dit leur goût, qu'est-ce qu'ils mangent. C'est absurde, là, tu sais. Il aime telle confiture ou telle. Il fait comme si ces personnages-là étaient réels, et ça crée ça aussi une espèce de fascination. Donc, il y a le mouvement, puis il y a aussi l'espèce d'interaction avec les lecteurs. Et à l'intérieur de ça aussi, si on regarde les expositions que vous proposez à la bibliothèque Gabriel Leroy, dans l'exposition jeunesse, on parlait au départ de ces deux âges, entre guillemets, d'amateurs de manga. Donc, l'idée, c'est un peu de créer un dialogue entre le parent et son enfant. C'était mon idée parce que, bon, d'habitude, un enfant de 5 ans ne va pas aller visiter une bibliothèque tout seul. Donc, il va être avec son parent. Les parents, logiquement, d'un enfant de 5 ans ont entre 30 et 40 ans. Et effectivement, ils ont connu Goldorak, Albator, Princesse Saphir. Donc, on les voit, tu sais, on a des images de ces personnages-là, et j'imagine le parent qui dit, ben moi, j'écoutais ça quand j'étais petit, puis là, l'enfant dit, ben maintenant, c'est Dragon Ball ou Naruto. Donc, oui, effectivement, je voulais faire un dialogue, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand tu leur parles de manga, ils disent, hein, c'est quoi un manga? Puis quand tu leur dis, ben c'est Albator, ah ouais, c'est un manga. Mm-hmm. Oui, en fait, ça casse un peu aussi l'idée qu'on peut avoir en tant que parent dans notre génération du manga, dans la mesure où pour nous, c'est de l'animation, c'est pas nécessairement, c'est les dessins animés de quand on était petit, etc., etc. Donc, il y a ce jeu-là. Et j'imagine aussi qu'il va faire découvrir autant aux parents qu'aux enfants la variété dont on parlait au départ. Donc, c'est vraiment le cœur de la bête, le nerf de la guerre. Là. Tout à fait. Parce que souvent, les parents ne savent pas exactement qu'est-ce que les enfants lisent, pourquoi ils aiment ça. Et c'est sûr que quand on voit la différence, par exemple, avec les mangas pour garçons et les mangas pour filles, parce que c'est très marqué dans oui, le manga. Il y a carrément une déclaration spécifique. Il y a vraiment une césure. Alors, pour manga, ça s'appelle shonen, pour filles, soho. Mais tu vois tout de suite les différences. Écoute, les filles, tout est en rondeur. C'est souvent romantique. Pour les garçons, tout est en pic. Il y a des batailles, etc. Bon, c'est sûr que tu peux, comme fille, lire des mangas de garçons et l'inverse, mais ça s'adresse vraiment à des publics spécifiques. Et ça aussi, je pense, c'est une des clés de leur grand succès. Effectivement. Puis d'ailleurs, on peut le signaler aussi, il y a beaucoup des mangas féminins qui sont écrits par des filles. Donc, il y a aussi, dans le fond, c'est des mangakas féminines qui s'adressent à des lectrices. Elle aussi féminine, évidemment. Tout à fait. Et ça existe aussi pour toutes sortes de métiers. On va avoir des mangas plus spécifiques pour, on dit, l'homme cravate qui prend son métro tous les jours. Donc, des mangas plus réalistes, d'autres mangas extrêmement farfelus, d'autres fantaisistes ou fantasy scientifiques, etc. Et Mira Falardeau, j'en profite aussi en conclusion pour mentionner, pour faire le pont aussi avec l'activité manga de ce soir. On dit souvent, en fait, on le voit quand on observe la culture japonaise, que le manga, c'est pas juste le livre, c'est vraiment une culture immense qui entoure le livre, que ce soit au niveau de l'animation, que ce soit au niveau du cosplay, du jeu vidéo, etc. Donc, c'est un monde, au bout du compte. Donc, en fait, ce soir, c'est ça. Le cosplay, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, le plaisir de se costumer en héros de manga et de se promener comme ça. Donc, le schéma habituel, c'est que les filles se déguisent et que les gars les photographient, mais il y a aussi des gars qui se déguisent. Et ce soir, au Musée de la Civilisation, c'est ça. Il va y avoir donc un bal cosplay. Donc, question justement d'ancrer l'événement manga, et parce qu'il y a beaucoup d'ateliers, d'activités aussi autour de ça, mais de vraiment sortir du livre, dans le fond, au bout du compte. En fait, le manga n'est pas seulement dans le livre, il est dans toutes sortes d'activités. Il y a des cafés manga au Japon, les gens vont lire dans des endroits tout à fait libres, etc. Donc, c'est comme un art de vivre. Eh bien, Mira Falardeau, en fait, je pense que justement, faudra se redonner un rendez-vous en cours de route à La Vie en BD pour parler justement de cet art de vivre, du manga, le décrypter. Alors, je pense que j'ai envie de vous dire à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je rappelle au public, aux visiteurs, si on veut plonger justement dans l'événement manga, eh bien, les expositions dont on parlait, c'est jusqu'au 28 avril à la bibliothèque Gabriel Leroy. Et je vous réfère également, bien, soit au site du réseau des bibliothèques, soit au site du festival de la bande dessinée, fbdfq.com, pour aller voir la programmation. Il y a beaucoup, beaucoup d'activités qui en valent la peine. Nous, on prend une courte pause. On vous revient tout de suite après, toujours ici sur les ondes du 89.1 et en direct du Salon international du livre de Québec. Téléchargez l'émission Change de disque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Téléchargez l'émission Change de disque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Tous les samedis soirs dès 20h30, venez vous faire injecter votre dose d'illusion auditive. Au listing, prog psychédélique garage pop des années 60 à aujourd'hui. Prescription appliquée par Vincent Delisle et Jacques Dulac qui vous donne rendez-vous de 20h30 à 22h à CKRL 89.1. CKRL tient à remercier la Caisse des Jardins de Limoilou, partenaire de premier plan lors de son Radiothon. Tout comme CKRL, la Caisse des Jardins de Limoilou a à cœur de vous offrir des produits de haute qualité tout en travaillant au développement de sa collectivité. Bravo et bonne continuité. De retour à la télé. Christiane Charette. 125 Marianne. 125 Marianne. En direct, Marc-André Grondin. Le boxeur Gaëtan Hart. Marc Cassivi. Ce soir, 21h, à Télé-Québec. Alors, madame, est-ce que ça faisait? Oui, mais je vais prendre juste le chemisier. Donc, le chemisier. En plus, je vous donne un jeans, une veste cintrée, la jupe, un cardigan, une écharpe en soie, les deux t-shirts, un col roulé, une ceinture, le pantalon et le petit top en lin super mignon. Ça va être tout? Attendez-vous à plus. Avec la carte boutique Voir.ca, vous recevez jusqu'à 40% de plus chez vos marchands favoris. Passez nous voir sur boutiquevoir.ca. Le Salon international du livre de Québec accueille cette année plus de 1000 auteurs et 800 maisons d'édition. Laissez-vous séduire par la découverte de nouveaux auteurs ou la rencontre de vos écrivains préférés. Jeune lecteur ou lecteur aguerri, vous aurez l'embarras du choix. Plus que jamais, le Salon international du livre de Québec vous propose de la diversité. Du 10 au 14 avril, au Centre des congrès de Québec. Romans, littérature, polars, nouvelles, rencontres, poésie, biographie, livres sur l'art. Les vendredis à minuit, CKRL entre dans l'entropie sonique où le death metal augmentera votre fréquence cardiaque et vous fera headbanger. Le black metal vous fera voyager dans un monde où les sombres forêts font place au désert de glace infini. Au menu hebdomadaire de l'entropie sonique, des nouveautés, des bons vieux classiques, de la brutalité et de la harme audiophonique sans bornes. L'entropie sonique, tous les vendredis, minuit. What the hell is real? Ne manquez pas, ce soir, à CKRL. De 22h à minuit, du métal plein vos oreilles. Olivier Bercelli anime démentiellement vôtre. À minuit, l'univers sombre du black metal avec Jérôme Bérubé à l'émission Entropie Sonique. Restez branchés. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur les ondes de CKRL 89.1. Vous nous prenez ici en direct du Salon international du Livre de Québec, en direct du Centre des congrès. Raymond Poirier toujours au micro, à la mise en onde, toujours Frédéric Rondeau et Dorian Racine. Et pour la deuxième demi-heure de l'émission, ben, j'ai choisi de porter un regard sur des événements, sur des lancements autour justement du Festival international, du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Voilà, je vais avoir mes noms correctement, c'est toujours plus pratique. Et notamment, ben, il faut dire plusieurs activités qui s'en viennent. On parlait tout à l'heure de la soirée manga ce vendredi. Il y a eu également hier, par exemple, le lancement de Motel Galactique 3 chez Morgan Bridge. Et d'ailleurs, on peut toujours voir au fil du festival donc quelques planches, quelques œuvres de Pierre Bouchard autour de l'univers de Motel Galactique. Il y a plusieurs expositions, notamment, bon, on en parlait donc dans les bibliothèques, mais aussi du côté de chez Phylactère, une exposition qui s'appelle Retrospace. Et également, ben, demain, samedi, chez Phylactère, à compter de 17h, il y aura lancement des bonus de Losticha. Donc, on a vu au fil de l'année 2011-2012, l'arrivée de trois tomes de ce feuilleton, d'abord web adapté pour le livre, donc chez Delcourt. Et au fil des parutions et au fil des événements, il y avait aussi de temps à autre quelques extras qui nous arrivaient en formule web, courtoisie de leurs auteurs et de ses auteurs, Iris et Svian. Et ben, on a droit donc au bonus, version papier, version fanzine de Losticha. Et pour en parler, pour explorer tout ça, ben, Iris et Svian sont avec nous. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut. Et ben, justement, qu'est-ce que... c'est, vous êtes jamais arrêté, vous avez jamais arrêté de faire Lost It Show, finalement, même en disant c'est fini, on n'a pas pu s'empêcher d'y revenir. Là. On est juste des maudites menteuses. En fait, on est vraiment super attachés aux personnages, puis avec ces personnages-là, on pourrait vraiment éternellement faire des histoires. Là. Je pense que si c'était juste de nous, on pourrait vraiment continuer longtemps. C'est juste que on s'est dit qu'il y avait une fin, on a fait la fin. Après ça, c'est juste comme des petits suçons. Là. Entre les projets, on se met des petites rises sur des Sundays. C'est vrai, puis... ça, oui. Et d'où c'était venu, peut-être, si on fait un peu la genèse du projet, d'où c'était venu parce que, dans le fond, c'est une collaboration à quatre mains aussi, c'est un peu un dialogue web que vous aviez installé, c'était, dans le fond, une expression BDS que de l'amitié qui vous lie, ou... On s'est jamais fait dire ça comme ça, mais c'est peut-être ça, dans le fond, puis on s'en est jamais rendu compte, en fait. En fait, je pense qu'on est devenus encore plus amis en faisant le stitch-up, parce que ben on commençait à se connaître pas mal On était déjà pas aussi, mal amis. Mais ça, tu sais, le stitch-up, vers la fin, ça fait qu'on se voyait une ou deux fois par semaine, ce qui est pas le cas en ce moment, donc on s'est vraiment plus rapprochés à cause de ça. Mm-hmm. Mais sinon, d'où c'est venu... c'est quand Sylviane est en résidence à Angoulême, on voulait faire un projet ensemble, puis on savait pas quoi, mais en fait, non, on avait toutes les deux envie de faire du feuilleton. C'était quelque chose qu'on voulait essayer. Donc, on est allé prendre une bière comme ça, puis on a créé les personnages de Jasmin puis de Jean-Seb. Puis c'est à partir de ça qu'on a commencé à travailler sur le stitch-up. En fait, on n'avait pas vraiment d'histoire. On avait un petit peu une idée de la fin, mais on avait rapide. Une idée de la fin. C'est on ça. Avait surtout les personnages. Surtout en les fait. Personnages. Ça a ouais. été construit autour des personnages. On avait le début. On l'a dessiné. On l'a mis sur Internet. Puis en fait, c'est ça. C'était l'idée, c'était de faire un feuilleton gratuit sur Internet que les gens pouvaient suivre. Et qu'est-ce que fait justement que vous avez envie de raconter des histoires de gars? Mystère. Ben ouais. Ben, je pense que c'est juste venu comme ça, qu'on a créé des personnages de gars, puis après, on s'est dit, hey, c'est le fun, ça fait comme un petit défi de plus. Mais finalement, ça a jamais été plus difficile. C'est vraiment là. Pas c'est... dur. Non, là. C'est ça. Moi, j'ai jamais trouvé ça dur, là. Au contraire. C'est assez naturel, ouais. Je sais pas. Oui, ben, ça reste, en fait, ça reste dans le quotidien, des histoires d'amour, des choses comme ça. Donc, dans le fond, l'idée, c'est d'essayer d'anticiper, de voir comment on le vivrait de l'autre côté. Mais finalement, en se rendant compte que l'autre côté n'est pas si loin d'une autre non ben, plus. C'est ça, comment on le vivrait, point final, là, je pense. Nos personnages, ça pourrait être des filles, ça pourrait être des gars. C'est comme un peu. C'est sûr qu'il y a des traits typiquement masculins, mais qui pourraient être aussi des traits féminins. Donc, je sais pas. J'ai l'impression que les personnages féminins et les personnages masculins ne sont pas si éloignés que ça. Mais pas juste ça aussi. Quand tu fais de la BD ou quand tu crées des personnages, c'est jamais nécessairement toi, les personnages. Là. Fait que faut tout le temps que tu imagines la vie de quelqu'un d'autre ou comment il réagirait dans telle situation. Fait qu'un gars ou une fille, c'est... Tu sais, quand je fais des personnages de filles, c'est pas... Ils me ressemblent pas nécessairement. Fait que... Et je disais tout à l'heure aussi, le quatre-mains, et en soi, au départ, c'était vraiment... Et je pense, j'imagine que c'est resté comme ça aussi. C'était une page à tour de rôle, un peu vous, un dialogue à travers des planches BD web que vous aviez installées. Donc, d'où était venue l'idée de faire ça comme ça aussi? C'était vraiment pour le défi, pour le plaisir, pour... essayer pour... Ben, en fait, on voulait travailler ensemble, puis dès le départ, je pense que c'était clair que, tu sais, j'allais faire mon propre découpage, mes propres dessins, puis Iris allait faire ses dessins. Je ne nous aurais pas vu en train de, moi, intervenir sur le dessin d'Iris ou qu'elle, elle intervienne sur mon dessin. On a des façons de raconter qui sont un peu différentes, quoiqu'ils sont assez semblables et c'est quand même homogène, là, ça suit quand même bien. Sauf que une des parties du fun aussi du blog, c'était justement la partie de ping-pong qu'on faisait. Je savais c'était quoi le scénario qu'elle allait faire parce que on avait décidé le scénario à deux, mais je savais pas comment qu'elle allait le raconter. Fait que quand le blog était mis à jour à chaque semaine, c'était une surprise pour moi aussi, ben surtout au début. Ouais, parce qu'après, il fallait qu'on planifie plus. Quand on a su que ça allait être publié en livre, on avait un nombre de pages à respecter. Puis on voulait c'était rock'n'roll. Oui, c'était parce que c'est précis là. Ben parce que ça fonctionne avec des feuillets. Donc, si on rajoutait une page de plus, il fallait en rajouter quoi? 30? C'était des cahiers de 32 pages. Des cahiers de 32 pages. Donc, il fallait rajouter... Soit on n'en rajoutait pas ou on en rajoutait 32. Fait qu'en tout cas... Mais ça a tout bien été, finalement. Oui, finalement, tout marchait. C'était comme par magie. Tout matchait. C'était carrément. Et puis, en même temps, c'est intéressant parce que c'est aussi diffusé chez Delcourt. Et j'ai comme remarqué, en fait, dans cette période-là, il y a eu beaucoup d'auteurs québécois qui ont été diffusés de ce côté-là. Bon, Pascal Girard, Jimmy Beaulieu, il y a eu vous autres. Du côté de Glénat, il y a eu Michel Falardeau aussi avec French Kiss 86. C'était tous des albums qui soignent un peu de l'esprit québécois, du langage québécois. Et on me disait du côté de Michel qu'il n'y avait pas eu de demande non plus de rendre le langage un peu plus international. Au contraire, qu'il y avait un plaisir de... pour le public outre-mer, de découvrir un peu la couleur d'ici. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui était ressorti dans l'appel, dans la proposition qui était venue justement via, je pense, le Wistrandheim à l'époque? Donc, dans l'idée d'éditer en version papier, le Stitcher? Ben, il ne nous a pas demandé d'écrire en joie. Il nous a juste dit, c'est votre langage, gardez-le. Nous, au départ, on avait dit, est-ce que tu penses qu'on devrait mettre un lexique ou quelque chose? Il a fait, non, c'est du québécois, ça reste québécois, ça reste de même. Fait que pour ça, on a eu vraiment un grand respect de sa part, de la manière avec laquelle on écrivait. Et puis j'imagine que ça amène des feedbacks différents ici et là-bas sur les mots ou des fois oui, sur... Ben, il faut dire que... On a eu beaucoup de bonnes critiques au Québec de l'Ostitcha, puis en France, on a eu surtout des critiques sur des blogs ou sur des sites de bande dessinée, tu sais, moins dans les journaux papier, etc. Ben, en tout cas, à ce qu'on sache, là. Puis c'était moins bien reçu en France à cause du langage en particulier. Puis ça m'a étonné un peu, parce que sur le blog, pourtant, les lecteurs français trippaient, mais dans les critiques, ils disaient que ça faisait vulgaire, que c'était... Que ça faisait campagnard, ou je sais pas. Il est un peu comme les gros clichés, là, à un moment donné, c'est du mais français. Mais les Français, de manière générale, c'est... ça passe ou ça casse. Soit qu'ils sont vraiment pas capables, ou soit ils adorent ça, parce que les critiques de blogs comme ça, j'ai vu qu'il y a du monde qui avait eu de la misère avec le langage, mais tu sais, quand je suis allée au Salon du livre de Bordeaux, il y a du monde qui l'avait lu, qui sont venus me voir, ils ont trouvé ça vraiment cool, puis ouais, c'est comme, mais souvent c'est du monde qui sont déjà venus au Québec aussi, puis bref, tu sais, il y a vraiment du monde qui trippe chez les Français, puis il y a du monde qui sont vraiment pas capables. Oui, parce que la notion, en fait, je veux pas faire des dialogues, c'est pas nécessairement chose facile, que ça sonne vrai, que ça sonne punché, que ça sonne, on les lise et on les entend en même temps, c'est toujours un défi, puis surtout quand on y va en joual ou avec des intégrations du joual ou dans le langage québécois, que ça fasse pas, on met des sacs pour en mettre, mais que ça reste souple un peu là-dedans, que ça résonne bien, là. Donc, ça, j'imagine que c'est quand même un défi côté écriture de bien amener ce type de dialogue-là. Ben, au contraire, là, moi, je trouve ça plus facile d'écrire comme je parle. Oui, moi aussi. Je dis, mes personnages, ils parlent comme... tu sais, je m'imagine juste comment je dirais cette chose-là. Alors que quand je dois écrire en français international, des fois, je me dis, attends, là, ça sonne comme québécois un petit peu. Tu sais, c'est pas naturel. Des fois, je me pose des questions. Fait qu'au contraire, c'est plus instinctif d'écrire comme ça. Oui, je pense. Ben, Sylviane a l'air d'accord avec moi aussi. Je suis assez d'accord. Mais ça dépend pour quel projet. Puis il y a tout le temps... Il y a tout le temps des questions à se poser par rapport à comment je dis telle phrase pour que ça sonne. Il faut juste pas que le lecteur décroche, tu sais. Il faut que ça sonne naturel. Si jamais j'ai un langage, un niveau qui est assez joual, puis d'un coup, il y a une phrase un peu avec un « je ne sais pas », puis je rajoute un « ne », tu sais, « oups », là, c'est... je viens de perdre quelque chose. Puis la notion de ne pas décrocher aussi, si dans l'optique où c'est développé pour le web, où on veut que les gens viennent à chaque semaine lire une nouvelle page, ben faut s'assurer aussi d'avoir des no punch, que le monde ait envie de revenir puis ait envie d'amener du monde pour le lire. Donc ça j'imagine que ça donne une dynamique de création qui est particulière, qui est différente de l'album standard là, qu'on va faire où on n'a pas besoin nécessairement d'avoir un petit truc à la fin de la page pour amener le public la semaine suivante. Bien, c'est sûr que c'est le gros avantage de publier sur un blog aussi, c'est qu'on voit les commentaires, des lecteurs qui disent « je me demande qu'est-ce qui va se passer » ou des fois, c'est déjà arrivé qu'il y a des lecteurs qui disent des commentaires qui m'ont donné une idée pour... En fait, j'avais prévu quelque chose dans le scénario, puis finalement, j'ai détourné le scénario parce qu'il y avait eu un commentaire pertinent, tu sais, des trucs comme ça. C'est le fun d'avoir un contact direct avec le lectorat comme ça. Et est-ce que c'est resté aussi toute cette dynamique-là de collaboration, d'exploration pour les bonus, que c'était vraiment l'idée de reproduire ce que vous aviez eu du plaisir à faire dans le passé? Ouais, on a vraiment travaillé c'était de la même façon. C'était juste pour le fun. Ouais. C'était du fun pur, là. Ouais. Non, mais on a travaillé de la même façon, puis on était mais aussi... je pense qu'on s'ennuyait vraiment de nos personnages, puis à chaque fois qu'on retravaille dessus, on est comme « Ah, ils sont tellement cool! » Parce que dans le livre des bonus qu'on lance demain, il y a 22 pages inédites, puis... T'sais, on est parti, on savait pas trop qu'est-ce qu'on allait faire pour les 22 pages inédites, là. Ça aurait pu être n'importe quoi, puis on avait, je sais pas, là, comme 5 idées différentes, on n'arrivait pas à choisir, puis on se disait, ben là, qu'est-ce qu'on fait, puis finalement, on s'est entendu sur une idée, mais tu sais, il y avait tellement de possibilités, là, ça aurait pu être plein d'affaires. Ça aurait pu être vraiment beaucoup de choses, là. Et donc, ça veut dire qu'à la limite, si ça va bien, si vous vous en ennuyez encore un peu, ben, qu'on pourra avoir les bonus volume 1, 2, 3. Non. Non? On n'arrête pas de dire non, puis après ça, on le fait, mais... c'est qu'on a tellement de projets. C'est qu'on a d'autres projets, puis à un moment donné, c'est qu'il faut passer à autre chose. Oui. Oui. Et justement, ben, en fait... côté projet, on disait que ça venait un peu en interstice à d'autres trucs. On a vu notamment du côté jeunesse, du côté plus adulte, des collaborations au dessin, scénarisation, plusieurs BD aussi, notamment chez Papa. Donc, qu'est-ce qui se passe un peu de votre côté? Là, qu'est-ce qui s'en vient côté Sylviane, côté Iris? Ben moi, de mon côté, c'est Iris qui parle, là, s'il y a du monde qui ne connaisse pas ma voix. J'ai un livre qui va paraître... il devrait paraître en juin avec Caton, qui est une jeune dessinatrice, auteure, qui commence puis qui est très, très, très bonne. Ça va sortir la pastèque, ça va s'appeler « La liste des choses qui existent ». D'ailleurs, on avait un blog du même nom, mais le contenu du livre va être totalement inédit. Donc, on a dessiné ça juste pour le livre. Puis, en ce moment, je travaille sur un projet avec Yves Pelletier, Yves P. Pelletier, de l'ancien gars d'RBO, qui a déjà fait une bande dessinée avec Valentin, François Gérard. Ouais, c'est ça. Donc, je travaille sur un projet avec lui qui devrait paraître en... On ne sait pas encore quand. À venir. À venir. Lesbienne? Moi, je suis présentement en train de travailler sur un projet pour les éditions Papa. Donc, ça devrait sortir normalement pour la rentrée littéraire de septembre prochain. Si je finis à temps, ça devrait être correct. Puis, ça s'appelle Les Deuxièmes. Puis, c'est une bande dessinée à contenu érotique. Donc, à suivre. À suivre, effectivement. On aura l'occasion de s'en reparler. Et d'ici là aussi, si les gens veulent aller vous rencontrer et veulent mettre la main sur un exemplaire des bonus de l'Osticha, eh bien, on se présente en 5 à 7, donc demain samedi chez Philactère. Le nombre est assez limité pour la première lancée, donc il faut arriver tôt ou les réserver pour la deuxième édition qui pourrait s'en venir c'est par après. C'est pas vraiment une deuxième édition, c'est juste qu'ils sont à Montréal. Deuxième impression, c'est ça. Ils vont en avoir plein dans le Québec. On en a plein d'imprimés, c'est juste qu'il n'y en a pas beaucoup à Québec en ce moment. Exactement. Alors, ben, Iris, Zviane, merci à vous deux. Merci. Et nous, on repart en extrait musical, donc toujours Sagar et Swing, tiré de leur album Orgel Planeten. Toujours sur les ondes du 89.1 CKRL, vous écoutez La Vie en BD. Comme à l'habitude, ben, c'est le petit moment où je plug mes blogs. Donc, si vous voulez écouter les émissions en podcast, c'est au lavieenbd.wordpress.com. Également, le blog du sympathique animateur de l'émission, c'est au www.voir.ca/Raymond-Poirier. Et ben, on porte toujours des regards autour d'événements en lien avec le Festival de la BD, notamment si on va faire un tour au Cercle le dimanche 14 avril entre 11h et 13h, et ben, on pourra découvrir donc une rencontre inédite entre jazz et illustration autour du livre jeunesse « Je suis un raton laveur », un livre de Julie Delporte publié à La Courte Échelle, et l'auteur est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, « Je suis un raton laveur », peut-être d'emblée, donc c'est premier album jeunesse pour vous? Oui, exactement. Ouais. Qu'est-ce qui vous a amené vers... Eh ben moi, je suis plutôt... je faisais de la bande dessinée, donc c'est dans ce milieu-là que je commence à être un peu connue. Puis un jour, il y a une éditrice qui travaille à La Courte Échelle, Nadine Robert, qui m'a dit « Tu devrais vraiment m'envoyer des projets jeunesse ». Puis ça a mis un an à trotter dans ma tête et finalement, je lui ai envoyé quelque chose qui lui a plu. Et des bonnes différences, j'imagine, dans la technique, dans l'approche, quand on passe, dans le fond, du travail adulte au travail jeunesse? Oui, alors d'abord, ça a été au niveau de l'écriture. Je me suis rendu compte que c'était très, très difficile d'écrire une histoire pour les enfants, de trouver le ton. Je savais absolument pas, il n'y a pas tant d'enfants autour de moi, donc je savais pas quel ton adopter. J'y étais un petit peu au hasard, comme ça. Après, au niveau des dessins, bon, moi, je dessine des gens au crayon de couleur dans mes projets plus adultes, bande dessinée. Donc là, c'était le même médium. Je l'ai fait au crayon de couleur. Donc il y avait quand même quelque chose de très relié. Et puis, il faut dire que, autant en bande dessinée, il y a quand même une tradition où c'est l'auteur qui fait toute la mise en page, qui pense tout le livre du début à la fin. Enfin, ça dépend des éditeurs. Par contre, en jeunesse, en tout cas avec cette expérience-là, mais je crois que c'est un petit peu partout pareil, l'éditeur est plus présent en tant qu'éditeur. Il va lui-même faire le découpage, faire des conseils sur quelle illustration on pourrait faire à tel endroit. Il y a vraiment un aller-retour entre l'auteur et son éditeur qui était très apprécié parce que j'avais aucune expérience. Et en même temps, fort de cette non-expérience-là, si on peut dire, et donc avec peut-être la naïveté, je ne sais pas, mais tu t'es attaqué à un sujet qui me semble, de l'extérieur, et tu me diras peut-être que c'était super simple, mais d'attaquer un sujet comme la tristesse, voire même à la limite la dépression, dans un album jeunesse, ça me semble être un bon contrat qu'on se donne. Oui, mais je n'ai pas tant réfléchi que ça, puis les gens, les critiques, et même mon éditeur, quand il a préparé la publicité de ce livre-là, a parlé de dépression, puis moi, je n'ai jamais pensé à ça en l'écrivant, ni même après coup. Ben, c'est sûr que ça parle de tristesse, là. C'est l'histoire d'une petite fille qui a une tristesse insurmontable. J'ai eu un peu peur que les gens trouvent ça un peu lourd, donc du coup, j'ai essayé de faire une fin très légère. Mais c'est sûr que l'album, c'est un peu triste. Là, il y a quelque chose... Oui, ben si on le détaille un peu, dans le fond, c'est cette petite fille-là qui est triste, qui est inconsolable, comme tu le disais. Et à un moment donné, donc, elle va rencontrer un raton laveur qui va laver sa tristesse, puis essentiellement qui va lui dire, oh, regarde, tout le monde, à un moment donné, est triste, puis elle va essayer d'être un raton laveur, au bout du compte, pour laver la tristesse d'un peu tout ce qui l'entoure. C'est... Oui, mais en fait, c'est même pas le raton laveur qui lui dit, regarde, tout le monde est triste, c'est elle-même qui s'en rend compte une fois qu'elle est soulagée de cette tristesse-là. Puis c'est comme une base de psychologie, là. C'est ça que c'est normal d'être triste, finalement. Mais oui, c'est normal. Ça. En fait, moi, ça vient de... Quand j'étais petite, on m'a souvent dit « ne pleure pas ». On m'a empêchée de pleurer beaucoup. Il fallait que je sois forte, etc. Et c'est toutes des larmes que j'ai ravalées avec beaucoup de... Finalement, elles sont encore pires quand on les ravale. Tu les as ravalées avec beaucoup de tristesse. Oui. Donc, le livre est un petit peu pour dire aux adultes d'arrêter de dire aux enfants de ne pas pleurer, quoi. Si un enfant pleure, il y a une raison. C'est qu'il a besoin de sortir. Oui, c'est parfait. C'est parce que j'aime bien que tu amènes sur ce point-là parce que je trouvais qu'il y avait un peu deux niveaux. Et d'un côté, pour les enfants, ben, que vous pouvez vous consoler seul, vous faites créer votre raton laveur. Puis pour les adultes, ben, c'est peut-être normal que l'enfant soit triste puis pleure. Vous n'avez pas besoin de l'arrêter à chaque fois non plus. Donc, il y a un peu deux messages, entre guillemets. Ah oui, moi, c'est une bonne question. Là. Est-ce qu'on doit écrire des histoires pour enfants avec des messages ou pas? Mais moi, je pense que j'écris des histoires à messages, mais pour les adultes plus que pour les enfants, d'abord. Ben, pour l'adulte qui va lire à l'enfant. Et avant aussi que les gens s'imaginent que c'est un album lourd, déprimant, gris et sombre, je trouvais qu'au niveau dessin, au contraire, c'est des dessins très lumineux, des couleurs très vives. Ça tranche un peu avec la tristesse du personnage, parce que c'est du jaune, c'est des couleurs éclatantes. Ah oui, il y a un beau paradoxe. Il y a la même chose dans mes projets adultes et mes projets de bande dessinée. C'est plus c'est triste et plus il y a de couleurs. Mais je pense que la vie est comme ça aussi. Quand c'est triste, il y a aussi de la couleur. Quand il y a plein de couleurs, c'est aussi mélancolique. Les événements heureux ont toujours quelque chose d'un peu triste caché, et inversement. Enfin, moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Oui, puis en même temps, j'ai l'impression que ça aurait été gris. Ça aurait peut-être été trop aussi. Ah oui, non, ça aurait pas marché. Je pense, oui, ben, c'est ça. C'est ce contraste-là qui porte... Mais de toute façon, les enfants, ils aiment les couleurs, je pense. Je sais pas, c'est peut-être un cliché, mais moi, par exemple, j'aime ça, les couleurs, puis... Je suis comme une enfant dans mon âme, je pense. Mais... Puis en même temps, on renvoie aussi aux adultes parce que, je veux dire, en tant que parent, on observe ça et dès qu'on voit aussi le crayon de couleur, ça renvoie à notre enfance. Parce qu'on dirait que c'est le langage universel de l'enfance, c'est le crayon de couleur. C'est le... Oui, puis alors moi, en plus, je suis une autodidacte du dessin. Je fais ça depuis 6 ans seulement. Ça commence à faire beaucoup même de dire 6 ans. Je pensais jamais que j'allais faire ça de ma vie. J'ai aucune étude artistique, donc j'ai une manière de dessiner très enfantine. Qu'il devient de moins en moins peut-être, mais il y a une naïveté quand même dans le dessin. Oui, puis qui vient servir, en fait, quand tu disais au départ que tu n'avais pas eu beaucoup à modifier ton style dans l'attaque jeunesse, c'est parce qu'il y avait déjà quelque chose qui amenait naturellement vers ça. Ouais. Oui. Puis alors, il y a quelque chose qui m'a fait très plaisir aussi, c'est que j'ai dû dessiner des ratons laveurs toute la journée. Ça, c'est extraordinaire, je pense. Oui, j'allais te demander justement, bien naïvement, pourquoi c'est un raton laveur qui... Ben, déjà, c'est un jeu de mots avec... Il y a l'idée de laver la tristesse, donc le raton laveur. Et puis, j'ai découvert en écrivant le livre que chez les Amérindiens, en fait, le totem du raton laveur, c'est une personne qui aide les autres. C'est comme quelqu'un de généreux, qui protège les autres et qui surtout les aide à devenir indépendants aux autres. Au mieux de les aider et puis de les laisser comme ça, dépendants de l'aide. C'est quelqu'un qui va aider les gens à savoir se débrouiller seul. Donc là, c'est exactement ce que fait le raton laveur dans mon histoire. Donc une ancrage dans une grande tradition immémorial, si on peut dire. Ou c'était réfléchi? C'était un hasard, mais je crois jamais trop au hasard. Je crois que je ne peux pas sonner mystique ou New Age, mais je pense que Ben oui, ben l'idée du raton laveur qui lave aussi, ça doit venir de là. Il y a quelque chose. Et dimanche, Julie Delporte, ça va être donc une mise en musique dans le fond des images, des pages de l'album. D'où est venue l'idée en fait? Est-ce que c'est quelque chose qui a été proposé? Comment t'as reçu ça? Oui, c'est le festival qui m'a proposé de faire ça. Moi, j'avais envie de le faire. Je suis pas du genre à dire non aux choses, donc je vais aller le faire. Non, j'ai jamais fait ça. Donc, je sais pas exactement comment ça va se passer. Je crois que les gens sont invités à dessiner en même temps que moi, et puis il va y avoir de la musique et une projection aussi, peut-être des dessins du livre. Donc, ça veut dire que la surprise va être aussi pour toi, dans mesure où tu sais pas encore qu'est-ce qu'ils ont préparé côté musique, comment ils ont perçu le livre. Non, je connais pas les musiciens. Je sais pas. Qu'est-ce qui va se passer au niveau musical? Bon, je vais essayer de penser un peu à moi ce que je peux dessiner, mais c'est aussi au public à dessiner, donc c'est merveilleux. Oui, puis ça permet en fait, j'imagine, de voir l'album dans un autre axe, dans un autre angle, dans une autre perspective, sur l'écran comme ça avec l'accompagnement, puis... Ah oui, sans doute. C'est l'impression que j'en aurais, en tout cas, de manière générale. Et donc, est-ce que suite à cet album-là, suite à Je suis un raton laveur, c'est dans le fond un créneau que tu as envie d'explorer un peu plus, justement, toute la sphère jeunesse? Ah oui, vraiment. Ben là, je suis en train de penser à un nouveau projet jeunesse. Ben là, je termine des projets de bande dessinée adulte, mais là, je viens d'écrire une autre histoire qui est l'histoire d'un canard qui est très en colère. On passe d'une émotion à l'autre, en fait. Oui, ben exactement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de mes propres émotions dans mes personnages. Donc, en ce moment, c'est la colère. Avant, c'était la tristesse. Alors, pourquoi? Ah ben pourquoi? Là, on dirait prendre une bière, je te raconterai. On veut savoir. Et à travers ça, justement, projet adulte, sur quoi un peu tu travailles parallèlement? J'ai terminé cet hiver de travailler sur la compilation d'un journal que j'ai tenu sur Internet pendant un ou deux ans. Donc ça, il y a une compilation de ça qui va sortir le mois prochain chez un éditeur anglophone de Toronto qui s'appelle Koyama Press. Donc le livre va s'appeler Journal. Et puis je termine un livre qui sera en anglais aussi. J'ai comme plus d'ouverture chez les éditeurs anglophones ces temps-ci, et qui suit l'histoire d'une fille qui est électrosensible, donc qui sent toutes les ondes électromagnétiques. Ça tire aussi d'expériences vécues? Non, je ne suis pas comme ça, mais par contre, je peux très bien comprendre que quelqu'un qui se met à sentir tous les appels des téléphones portables, le Wi-Fi, tout ça... C'est comme, ça peut être un peu... Et t'écris directement en anglais ou tu... Non, j'écris en français, puis on va le traduire après, ouais. Alors, des projets à suivre, évidemment, mais si les gens veulent aller à la rencontre de toi et de ton raton laveur, ben c'est donc demain dimanche, après-demain, on est vendredi, donc dimanche 14 avril de 11h à 13h, c'est au Cercle, en formule brunch, donc comme tu disais, mise en musique, il y a atelier ensuite avec toi et les jeunes qui seront présents. Ben oui, je pense que moi j'aimerais ça que s'il y a des enfants qui veulent venir pour dessiner avec moi, j'aimerais ça. Pourquoi pas, c'est excellent. C'est un appel. Julie Delporte, merci beaucoup. Ben merci. Et ben nous, on poursuit toujours ici sur les ondes du 89.1 CKRL. On est en direct donc du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, du Salon international du livre au Centre des congrès. On prend une courte pause et on revient avec notre dernière demi-heure qui est consacrée plus aux albums. Alors, ben on vous revient dans quelques instants. Téléchargez La vie en BD sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Pour débuter votre soirée du vendredi à CKRL, dès 18h30, Jean-Sébastien Grondin vous offre de la musique soul et R&B à l'émission Soul Finger. À 19h, Jean-Baptiste Duvigneau et Goulvendi vous font tourner du funk d'hier à aujourd'hui. À 20h, pour la 20e saison, Michel Dubois présente l'émission Rue d'Auteuil, du blues mur à mur. Restez branchés. Tout juste avant 100% Dynamite, le week-end s'amorce de belle façon dès 18h30 les vendredis avec Jean-Sébastien Grondin et son émission Soul Finger. Ça groove à CKRL 89.1. Vous aimez la BD? Vous voulez la découvrir? Venez profiter du 26e Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Exposition, animation. Une riche programmation consacrée au 9e art fera vibrer plusieurs lieux culturels de la capitale du 10 au 14 avril. Projection. Venez rencontrer les nombreux auteurs présents et découvrir des talents du Québec et d'ailleurs. Impro BD et soirées animées. Célébrez le 9e art avec nous. Informez-vous sur fbdfq.com. Aimez-vous les sujets suivants? Le cinéma, la musique, les jeux vidéo, les animés, les séries télé, les mangas, l'internet en général, les gadgets techno, les dragons, les ninjas, les lasers, les pieuvres, les ninjas chevauchant des dragons pieuvres armés de lasers. Eh bien, réjouissez-vous! Les geeks contre-attaque aiment aussi beaucoup ces sujets. Ils les aiment tellement qu'ils vous en parlent tous les dimanches de midi à 13h. Une heure de culture geek, d'actualité pertinente et de sens de l'humour questionnable seulement sur les ondes de CKRL 89.1. Quoi demander de plus? Hein? On peut se demander de plus? Hein? Bonjour, ici Pierre Vanchanfou. Vous vous demandez qui je suis? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que je fais. Ce que je fais? De courtes capsules folles et frivoles qui servent à agrémenter cette sympathique émission matinale qui s'intitule « Les matins éphémères ». Je vous invite donc à déraper avec moi du lundi au vendredi, quelque part entre 7 et 9 heures, à CKRL. Moitié velours, moitié dentelle. Le Radioton de CKRL édition du 40e anniversaire fut un franc succès grâce à vous, ainsi qu'à la collaboration de nos partenaires gouvernementaux suivants. La ministre responsable de la capitale nationale, Mme Agnès Maltais. Le ministre de la Culture, M. Maka Koto. Le député fédéral de Beauport-Limoilou, M. Raymond Côté. Le député de Jean-Lesage, M. André Drolet. Le député fédéral de Louis-Hébert, M. Denis Blanchette. Et la première ministre du Québec, Mme Pauline Marois. Merci de favoriser l'émergence et la culture de Québec en écoutant CKRL. Les vendredis à minuit, CKRL entre dans l'entropie sonique où le death metal augmentera votre fréquence cardiaque et vous fera headbanger. Le black metal vous fera voyager dans un monde où les sombres forêts font place au désert de glace infini. Au menu hebdomadaire de l'entropie sonique, des nouveautés, des bons vieux classiques, de la brutalité et de la harme audiophonique sans bornes. L'entropie sonique, tous les vendredis, minuit. What the hell is real? Ne manquez pas ce soir à CKRL. De 22h à minuit, du métal plein vos oreilles. Olivier Bercelli anime démentiellement vôtre. À minuit, l'univers sombre du black metal avec Jérôme Bérubé à l'émission Entropie Sonique. Restez branchés. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de CKRL 89.1, Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30, en direct donc du Salon international du livre de Québec, en direct du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Et d'ailleurs, si vous voulez aussi être au courant un peu de ce qui se passe à l'émission, on vous invite à nous suivre via Facebook, facebook.com/lavieenBD. Et évidemment, enfin, on le mentionne au passage, beaucoup d'activités, beaucoup d'événements autour justement de la bande dessinée au cours de la fin de semaine. Je m'en voudrais de pas mentionner ceux dans lesquels j'ai le désir d'être engagé, notamment demain samedi, deux spectacles d'improvisation BD, donc qui allient théâtre, improvisation théâtrale et dessin en direct et musique. Donc à 14h, un spectacle qui s'appelle Des planches sur l'Atlantique, collaboration entre Lyon BD et le Festival de Québec, où on va créer en collaboration avec le public un album en direct, donc une longue improvisation de près d'une heure trente. Ça sera extrêmement agréable. Une belle expérience d'ailleurs pour les joueurs et on l'espère pour vous qui serez là en grand nombre. Donc ça c'est à 14h au musée, c'est entrée libre. Et ensuite le soir, on remet ça avec un mini tournoi d'impro BD. Donc une vingtaine de joueurs, donc dessinateurs et comédiens qui vont s'allier à ce nouveau sport national peut-être. Donc dans le cadre d'un mini tournoi. Alors voilà donc pour les activités d'impro BD, le tournoi c'est à 20h également au musée et c'est demain samedi. Je mentionne également qu'il y a moult séances de dédicaces, moult occasions de rencontrer des auteurs étrangers, des auteurs du Québec, des auteurs de Québec, de Montréal. Et on en profite dans la dernière demi-heure de l'émission pour faire justement quelques rencontres avec des auteurs d'ici. Et notamment, une auteure, une dessinatrice que j'avais particulièrement envie de rencontrer puisque, sincèrement, son album qu'elle a dessiné, qu'elle a scénarisé par Olivier Boquet, donc La colère de Fantômas, tome 1, Les bois de justice, qui est parmi mes coups de cœur tout azimut de ce début d'année 2013. Alors, Julie Rochelot, bonjour. Bonjour. Alors, en fait, pour faire un peu votre parcours, vous êtes illustratrice, vous avez un album derrière vous qui a été publié chez Glénat, La fille invisible. Vous avez travaillé dans l'illustration et là, subitement, on vous retrouve sur cet album-là. C'est le premier album en plus aussi d'Olivier Boquet. Donc, qu'est-ce qui vous a amené dans cette aventure-là? Moi, j'avais envoyé un autre projet qu'un autre scénariste à Dargaud. Il avait bien aimé mon dessin, mais il avait décidé de ne pas retenir ce projet-là. Olivier, de son côté, son projet était déjà accepté. Il n'arrivait pas à trouver un dessinateur avec lequel il avait vraiment envie de travailler, avec lequel ça cliquait. Fait que, vraiment, c'est l'éditeur à tout hasard. Nous ont fait rencontrer, là, ça a marché. Puis on s'entend bien, puis on a vraiment du fun. Oui, c'est ce qui est assez... j'imagine habituel avec la distance et le reste. Je pense que vous êtes rencontrés pour la première fois en début d'année 2013. Quand j'ai rencontré, on s'est mis en contact, mais on s'est vu la première fois. En fait, le premier tome était terminé depuis plusieurs mois déjà. Donc, ça a été vraiment un album fait via Skype, via les échanges courriels, c'est via les discussions à distance. Ça crée une ambiance de création particulière ou? Je pense pas vraiment, en fait, parce que je suis illustratrice, je travaille aussi pour des studios d'animation, puis même si c'était des gens qui habitaient à Montréal, pas loin de chez moi, on faisait pas mal tout par courriel, de toute façon. Puis, c'est une façon aussi, tu prends le temps d'articuler ta pensée comme il faut, c'est peut-être un peu moins émotif que de parler au téléphone, là, puis des fois, tu te laisses un peu emporter ou tu as de la difficulté à t'exprimer, mais là, par courriel, c'est clair. Puis je trouve que, en tout cas pour le travail, ça marche très bien. Et j'imagine aussi, il faut dire que le projet Fantômas, c'est un projet qui résonne différemment au Québec versus la France, dans la mesure où là-bas, c'est un monument, un mythe. Ici, on le connaît un peu à travers les films de Funès, et c'est pas mal ça, dans le fond. Au Québec, c'est pas mal ça. Mais en fait, moi, je le connaissais vraiment pas beaucoup. Je me rends compte qu'en fait, il y a plus de Québécois que je pensais qui connaissent Fantômas, et pas nécessairement le Fantômas avec Louis de Funès et Jean Marais. En France, c'est sûr que c'est pas mal plus iconique, mais c'est loin d'être tout le monde qui ont lu les romans et tout. Pour la plupart des gens, ça, c'est encore le masque bleu, puis la déesse volante, puis le clown qui dit « mais c'est pas possible » tout le temps. Enfin, à la lecture de l'album, ça donne presque l'impression justement que ce soit vous, soit Olivier, vous avez regardé ça, vous avez dit « ça, c'est tout ce qu'il faut pas faire, on va faire complètement autre chose pour aller chercher le caractère un peu sombre dans le fond de ce personnage-là. » Ben, c'est pas nécessairement ça, c'est ce qu'il faut pas faire, c'est juste Olivier avait envie de faire un truc, c'est le polar plus avec du suspense, plus sombre, justement. Il voulait redonner les lettres de noblesse à Fantômas. Un peu comme, on dirait, mettons, Batman dans les années 60, il y avait la série télé très, très kitsch. Puis pendant longtemps, c'est ça. Tu penses à Batman, tu penses à ce truc-là. Et à un moment donné, il y a Alan Moore, entre autres, qui vraiment en a refait le Dark Knight qu'on connaît aujourd'hui. Puis Olivier, c'est son ambition, c'est de faire exactement la même chose, mais avec un anti-héros très français qui est Fantômas. Oui, en fait, qui est un peu, à la limite, le premier super-héros. Selon les analyses, en fait, je pense que c'est un peu en lien avec, par exemple, The Shadow aux États-Unis, qui est un peu repiqué de Fantômas. C'est pas l'unique ancêtre des super-héros, c'est bien clair, mais c'est un des personnages qui est à la genèse de tout ça, oui. Et comment on explore, justement, tu disais, Julie Rochelot, au départ, c'est pas un héros que tu connaissais beaucoup. Donc, comment on l'explore, comment on se documente, justement, pour attaquer une thématique comme ça? Moi, en fait, je connaissais pas beaucoup Fantômas, j'avais une petite idée. Mais à partir de là, j'ai dit, c'est ça ma force, en fait, pour faire un nouveau Fantômas. Je connais rien des anciens Fantômas, fait que je vais garder ça de même. Juste pas lire de livres, pas regarder la série télé, pas regarder les films, pas lire les autres bandes dessinées qui sont faites. Ça fait quand même 100 ans que ça existe, Fantômas, et s'en est fait des choses là-dessus. Puis, je me suis documentée sur l'époque, sur les circonstances de la production des romans originaux, puis qui ça a influencé, puis la portée que ça a eue sur la culture française ou whatever. Mais j'ai pas lu les aventures de Fantômas parce que je voulais pouvoir me me l'imaginer comme si, tu sais, j'étais la première personne à le dessiner, là, en essayant de pas être influencée pour pas que ça ressemble à d'autres choses. En tout cas, c'est un peu un guess. Mais... Oui, en fait, c'est un guess sur lequel tu t'es lancé, mais je pense que j'invite un peu n'importe qui nous écoute à prendre l'album, que ce soit ici au Salon du Livre ou en librairie. On le regarde et on fait la couverture, le dessin, c'est tout simplement superbe, je pense. Enfin, on le dit en chronique d'ailleurs dans le passé, et je te le dis parce que t'es là, c'est vraiment un dessin qui est très beau, qui est très réussi, qui caractérise vraiment l'album. Comment on pourrait le présenter peut-être un peu? Je m'étais sorti des termes, mais je me suis dit, je te laisserais peut-être nous mettre le contexte un peu du dessin qui est... Il est dur à décrire, en fait. Oui, c'est ça aussi. Moi, je suis dessinatrice. Je me débarrasser de la responsabilité, là. Je suis pas très bonne pour expliquer en mots. C'est des couleurs assez vives, assez denses. Ça veut être un petit peu rentre dedans, en fait. Le scénario, il se passe beaucoup de choses. C'est très dense. La même chose avec la mise en scène, tu sais, j'essaie de rendre ça très énergique, puis justement avec des couleurs vives, des atmosphères. Je sais pas trop comment. C'est un peu un côté surréaliste à la limite. Oui, c'est ça. Fantasmé, on est plus dans l'ambiance, c'est un peu cinématographique ou théâtral. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça faisait théâtre en fait. Oui. Ou cinéma. Donc c'est ça. On va faire sur le over the top, le drame. Le récit est quand même assez violent aussi, on s'entend. Donc le rouge gicle sporadiquement avec un dessin assez aussi des traits assez carrés. Enfin, on voit un peu dans la bonhomie aussi, dans les personnages, dans les inspecteurs qui pourchassent justement Fantomas au fil des pages. Oui, c'est ça. Moi, je viens du domaine de l'animation, puis j'ai fait l'illustration aussi. C'est pas très académique comme style de dessin, sans être trop alien non plus, là, mais on y va vraiment dans le mouvement, dans le dramatique. Beaucoup d'énergie, c'est violent, il y a de l'action. Voilà, c'est ça qu'on essaye de... Est-ce que c'est vraiment dans la continuité de ton travail comme illustratrice, de ce que tu as fait en BD dans le passé, ou tu as été explorer d'autres pans un peu de tout ça? C'est sûr que c'est pas la continuité de mon album de BD que j'ai fait avant, qui s'adressait aux adolescentes, c'est complètement différent. Bon, j'imagine que je me suis pas nécessairement réinventée non plus de A à Z en partant sur Fantomas, mais c'est vraiment un domaine auquel j'avais pas touché avant. J'avais toujours eu un petit côté macabre, noir, j'aimais l'expressionniste allemand et tout, mais là j'ai vraiment l'occasion de m'en servir. Alors qu'avant, pour les illustrations jeunesse ou pour des affiches, c'était pas ça le sujet. Donc, j'avais pas eu l'occasion de développer ça davantage. Et en même temps, à travers le dessin, justement, je pense que le terme aussi expressionnisme allemand est à mettre dans les indices pour le décrire. Mais le personnage de Fantomas qui arrive beaucoup aussi comme une ombre, qui est noire, qui est sombre, qui est une présence, peut-être plus qu'un personnage, mais une présence aussi à travers le dessin qui remplit parfois la page, la case. C'est ça. On se concentrait plus sur l'ambiance et ces choses-là, mais c'est ça, c'est une espèce d'ambiance glauque, oppressive, en même temps dans un Paris qui fait un petit peu carte postale peut-être, sans nécessairement le vouloir, mais tu sais, une nord-américaine qui dessine Paris, c'est ça que ça donne. Mais c'est ça, Fantomas, même s'il n'est pas dans la page, on essaie de qu'on sente sa présence quand même. Et tout ça à l'intérieur d'un Paris aussi qui, comme tu dis, c'est documenté, mais il y a un côté aussi, on utilisait le terme fantasmé, rêvé tout à l'heure, je pense que ça s'applique aussi à l'univers urbain que tu introduis à l'intérieur de Fantomas. Dans le Paris qui n'est pas nécessairement un Paris qui se veut non plus réaliste. Non, c'est ça. J'ai beaucoup de références photos, c'est sûr, mais à un moment donné, c'est ça, on ne fait pas un documentaire non plus. Je prends les éléments qui me plaisent. L'important, c'est que on sente qu'on est à Paris. C'est pas obligé d'être exactement comme si on marchait dans les rues de Paris, là. Mais voilà, c'est encore une fois ambiance, choix de couleurs. Et au niveau du matériel, si je me trompe pas, c'est papier aquarelle, encre, la vie, crayon de couleur. C'est n'importe quoi. C'est mix média, dans le fond. Je pense que je mets autant de... Pour le tome 2, en tout cas, le tome 1 moins, mais pour le tome 2, je mets à peu près autant de Voyons. Je me sers autant de l'ordinateur que du traditionnel, en fait. OK. Donc, vraiment, parce que dans le premier, ça commence plus traditionnel, puis c'est ça. Je tâtonne encore un peu pour trouver ma technique, mais il y a du crayon, il y a du lavis, il y a donc... Il y a du Photoshop. Il y a un petit peu n'importe quoi. En fond, on se met pas de limite, on se met pas de barrière. C'est tout ce qui peut faire que le récit marche au niveau visuel, ben on, on l'utilise. Ouais. En autant aussi qu'il y a quand même une uniformité dans le style, on s'entend. Et à travers ça, ben, tu disais, tu travailles déjà sur le deuxième. Il y a, c'est un, initialement, un trois, c'est un triptyque, en fait, donc Fantomas. Donc, j'imagine un bon rythme de création puis de travail aussi pour suivre les échéances et les dates de sortie. Oui, c'est rendu un marathon. Puis on espère qu'après le... Ben c'est ça, ça serait... Ultimement, si on peut faire le projet jusqu'au bout, c'est trois triptyques. Donc, trois épisodes de trois tomes chacun. Là, on fait l'épisode 1. Ensuite, on va faire l'épisode 2 si ça fonctionnait, tu sais. Et éventuellement, peut-être le 3. Mais on croise les doigts, comme on dit. Et si les gens veulent te rencontrer, d'ailleurs, je mentionne, il y a une rencontre d'auteurs demain samedi, rencontre croisée que tu fais avec Boom à l'espace causerie du Festival de la BD. Également, deux séances de dédicaces samedi, dimanche, de 10h à 13h au stand de 315. Julie Rochelot, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Et je rappelle, en fait, donc la colère de Fantomas, les boîtes de justice, c'est chez Dargaud. On respire brièvement et on vous revient tout de suite après. Alors, toujours à l'antenne de CKRL 89.1, des petits extraits de Sagar & Swing qu'on a le plaisir d'entendre au fil de l'émission. Et dans la dernière ligne droite, ben, pendant qu'on vous parlait ici en direct du Centre des congrès pour le Salon du Livre, il y avait en face à l'Observatoire de la Capitale remise des prix BDiste Causa édition 2012. On a le plaisir d'ailleurs d'avoir les résultats avec nous. Alors notamment, en fait, le prix hommage prix Albert Chartier qui a été remis à Tristan Demers pour son travail sur Gargouille, notamment au fil des années, plusieurs autres projets également. Le prix coup de cœur, album étranger, a été choisi par le jury formé de chroniqueurs BD et de libraires de la grande région de Québec, a été remis à 23 prostituées de Chester Brown. Très, très bel album, très, vraiment un solide album là, qui est disponible en traduction française chez Cornelius. Au niveau du prix Réal Filion, meilleur premier album d'un ou d'une auteure québécois, eh bien, ça a été remis au tout aussi excellent album de Fanny Britt et Isabelle Arsenault, Jane Le Renard et moi. Ça, c'est chez La Pastèque. Au niveau de l'auteur québécois édité à l'étranger, le prix Albéric Bourgeois, eh bien, il a été remis à Van Helsing contre Jack L'Éventreur, le tome 1 Tu as vu le diable de Jacques Lamontagne. Et enfin, le prix de la ville de Québec, remis donc au meilleur livre, au meilleur album édité au Québec, eh bien, il a été remis à French Kiss 1986, livre de Michel Falardeau qui est avec nous. Bonjour Michel. Bonjour Raymond. Et premièrement, mes félicitations. Ben, merci beaucoup. Alors, un prix comme ça qui récompense donc la qualité de cet album-là. Comment reçoit ça, le prix de la Ville de Québec? Ben, je ne sais pas. C'est dur d'anticiper. C'est dur. Juste la nomination, tout le monde l'a dit, mais c'est vrai. Juste le fait d'être nominé, c'est ça la reconnaissance. Ensuite, je pensais que j'allais dire des folies en avant, comme je suis capable des fois. Non, ça, c'est touchant. Ça donne le goût de continuer. C'est un métier quand même difficile, donc c'est vraiment apprécié ces prix-là. ça booste. Et puis est-ce qu'on a l'impression que ça peut faire une différence aussi dans une dans une carrière d'auteur, dans une démarche pour se faire connaître, pour s'asseoir un peu dans le marché? Ben, juste le fait que les gens en parlent, c'est déjà assez difficile en bande dessinée de faire parler nous, contrairement à la musique va être toujours mise plus de l'avant d'autres médias, mais la bande dessinée, juste le fait qu'il y ait un prix, puis que ça donne donc 2-3 jours, peut-être que certains journaux, radio vont en parler, dont toi, Raymond. Donc la première entrevue en plus. Première entrevue. Et donc, il faut en parler. Puis c'est merveilleux quand ça se produit pour notre album. Et en même temps, Michel, French Kiss 86, c'est un album aussi, il y a un pont à faire avec ton enfance, dans la mesure où c'est un peu une version fantasmée de ton enfance, donc inspiré un peu de tes amis, de ton village. C'était vraiment le fun parce que, tu sais, la ligne est mince entre s'inspirer de sa vie puis tomber dans le trip d'auteur. Et j'ai eu vraiment pas, c'est pour ça que j'ai mis aucun passage autobiographique. Pourtant, c'est mon village, c'est moi, c'est mes amis, mais tout est fictif, donc je suis parti dans une guerre de pirates. Et je pense que c'est ça qui a fait de ne pas faire de clin d'œil véritable, de créer des clins d'œil, d'inventer. Tu sais, tel ami, finalement, il va tout le temps avoir la morve au nez, tel va être comme ça, mais je fais des clins d'œil, genre, regardez, je vous ai mis dedans, mais j'ai créé à partir de vous. Et en même temps, à travers ça, est-ce que justement, tu as eu des retours de tes amis qui ont été un peu honorés de l'hommage, entre guillemets, que tu leur donnais? Certains, oui, mais c'est assez étrange. La BD a été très bien reçue à date jusqu'à maintenant partout. Mais, beaucoup de mes amis qui sont dedans l'ont pas lu encore. Ils ont osé? Non, je me suis juste dit, je pense que je vais y passer deux fois avant de remettre des amis pour leur faire un hommage. Ils lisent même pas. Donc, c'est comique. Et à travers ça aussi, il y a toute la dimension des années, bon, ça se passe en 86, ouais. Le titre le dit. L'amorce, un peu, en fait, pour se rappeler, puis se remettre en contexte, c'est le film Les Goonies, dans le fond, et qui nous amène vers une guerre de pirates, façon guerre des tucs. En plein ça. Oui, bien, en fait, c'est un peu niaiseux à dire, c'est pas niaiseux, mais c'est drôle de voir les directions que peuvent prendre une idée. Et à base, je voulais faire une histoire qui allait se passer, donc, un peu en 80, 86, mon enfance, mais je suis tout le temps porté à écrire plus vers du fantastique. Et là, je me disais, comment je peux mettre cette couleur-là? Puis je dis, des pirates! Pourtant, j'ai jamais joué aux pirates de ma vie. T'sais, j'ai joué aux cowboys un peu. Je m'étais dit, il devait fantasmer sur les pirates. Quand même, les Goonies ont marqué, mais j'ai adoré les Goonies, mais il a fallu que je trouve un film. Quel film qui avait des pirates? Peter Pan, pas assez fort comme image. Donc là, j'ai pensé aux Goonies. C'est parfait. Et en plus, j'ai été sur les lieux du tournage. J'étais assez comique par hasard à Cannon Beach. Donc j'ai tout vu la maison. Je me suis inspiré de ça. Mais donc, non, c'était pour mettre les pirates, c'était pour mettre une couleur. Donc, costumé les personnages qui jouent au fantastique sans qu'il y en ait réellement. Exactement, qu'on puisse l'amener à travers l'imaginaire de l'enfance, parce que au bout du compte, c'est un peu, en fait, si on porte l'analyse, c'est un peu un hommage à l'imaginaire de l'enfance, aux jeux, aux gares, aux possibilités qu'on se donne en étant enfant, parce qu'on n'a pas les barrières de l'acceptable puis du non-acceptable. Oui, ben, les barrières aussi qu'on s'enlève des fois adultes, et pourtant, on a le droit encore. Justement, moi, j'ai la chance de pouvoir me permettre de le faire à travers mon métier, mais je suis très conscient que la réalité d'adulte, des fois, on dit on n'a plus le droit de jouer de cette façon-là. Et est-ce que c'est un album, si on l'insère un peu, bon, avec Locke, avec Mertonville notamment, donc tes précédents ouvrages, est-ce que c'est un peu une continuité ou tu as essayé d'aller ailleurs? Comment tu le placerais dans la filiation des albums de Michel Falardeau? C'est pas une continuité parce qu'on voit à peu près, je dirais, 1/20 de ce que je peux créer chez moi. Donc, c'est un projet sur 8, peut-être, qui va être choisi par un éditeur et je prends toutes les directions possibles. C'est assez drôle que jusqu'à maintenant, c'est toujours des histoires avec l'enfance ou l'adolescence qui ont été choisies, alors que c'est loin d'être la majorité de mes œuvres. Donc, il y a peut-être une résonance qui fait qu'il y a quelque chose qui se passe quand tu décides de t'attarder sur ces thèmes-là de particulier. Je pense qu'il y a un relâchement. Je me sens en confiance, surtout avec des enfants, là, des jeunes enfants qui crient des noms pas possibles. Vous êtes juste des gros pipis qui puent le caca. Bon, ça, j'adore écrire ces choses-là. Ça vient tout seul. C'est pas très drôle à la radio, mais dans la BD, ça fonctionne. Et en même temps, c'est intéressant, Michel, que t'amènes aussi la notion d'enfance et de lecteur, de jeune lecteur autour de ça, parce que oui, tu viens de remporter donc le prix Ville de Québec, meilleur auteur québécois édité au Québec. Oui. Mais également, tu avais remporté du côté d'Angoulême le prix, un coup de cœur en fait, d'un jury composé entièrement de jeunes d'Actua BD, donc qui venait avaliser un peu le côté justement, c'est un regard sur l'enfance. J'ai trouvé ça comique parce que c'était le prix, je pense, 12-15 ans. Oui. Et les références sont clairement pour les bébés boomers. ou pas les bébés boomers, je veux dire la génération X en montant, parce que c'est les Goonies, c'est les années 80. C'est... J'ai aussi l'impression qu'on est une des dernières générations qui a joué au cowboy ou tu sais, avec les jeux vidéo, je suis pas mal sûr que ça, c'est pas mal moins populaire. Et donc ce prix-là, les enfants l'ont même dit, on a adoré ça, on comprend pas les références, mais c'est pas grave, on aime ça. Mais... Puis là, il dit, pourquoi vous aimez ça? Et il répondait, il dit, ben, ça me donnait l'impression de voir un peu c'était quoi la jeunesse de mes parents. Donc, c'est quand même, eux-mêmes le disaient, c'est pas tout à fait pour nous, mais on aime ça. Donc, je pense quand même, c'est vraiment les trentenaires à oui. qui ça s'adresse. En fait, les trentenaires ou les enfants des trentenaires oui, qui veulent voir un peu... Parce qu'on s'entend que l'humour, le dialogue c'est... est facile. On tombe pas oui. dans une BD illisible pour sincèrement, Michel, l'enfance reste l'enfance aussi. Oui. Dépendamment de l'âge auquel on est enfant, reste que on a des préoccupations qui sont similaires, juste des outils qui sont différents. Ben oui, puis on peut pas la réinventer. C'était comme ça. La rendre si intelligente, je pense que c'est plus des vrais enfants. Là. Il faut qu'il y ait de l'amusement, des problèmes qui sont minimes, mais qui pour un enfant sont atroces. C'est la fin du monde, hein, la première peine d'amour et tous ces trucs-là, donc ça change pas. Et en même temps, tu disais justement la notion de référence années 80, on en a parlé jadis au lancement de l'album. Je pense que ça vaut la peine quand même, puisqu'on on passe en revue un peu suite à l'honneur que tu viens de recevoir, justement tout l'univers de French Kiss. Il y a la notion référentielle, mais le défi, c'est de pas tomber non plus dans un récit qui est que nostalgie. Oui. Donc de bien doser. Il y a une ligne qui est quand même, à mon sens, pas nécessairement évidente à tenir. Sérieux? Quand je l'ai écrit, je pensais pas que j'avais mis autant de références. Ben, je l'ai relu peut-être 6 mois par après. Tu sais, le temps d'avoir le cerveau bien qui a quitté cette BD-là pour y revenir. Et j'ai fait « Oh, il y a donc bien de la référence. » Et je cherche où je m'en vais avec ça. Où je m'en vais, Raymond, avec ça. Alors, en fait, donc, c'était pas conscient, oui, dans le fond. C'était pas conscient, mais allez, non, quand même, j'essayais de faire attention, de dire « On tombe pas, il faut pas que je me gâte, moi. » Il faut que je gâte le public. Je veux dire, il faut pas que le public trouve ça long. Donc, de pas tomber dans genre mes références absolues à moi, mais plus montrer une image de l'époque. Mais par après, j'ai trouvé quand même qu'il y en avait un peu trop. Tu sais, il y a des passages. J'ai demandé la toune de Goldorak, je la mets dedans. Mais elle fait une page complète. Là, juste à ça, c'était un peu beaucoup. Puis, ouais. Et tout ça porté par un dessin noir et blanc. Un choix pratique ou un choix esthétique ou les deux? C'est que ça aurait pris 3 ans à faire en couleur, donc oui et non. Hey, c'est 18 mois à temps plein. On parle d'une BD en noir et blanc, oui, donc oui. Couleur, c'était... Puis, de toute façon, je pense que ça sert bien le format. C'est un plus petit livre, mais avec une forte pagination. Je trouve que je suis content qu'il soit en noir et blanc, finalement. Et justement, ben, tu disais, en fait, est-ce que tu as bien dosé ou pas? Ben, toute évidence, il y a un jury qui dit, ben oui, c'est bien dosé. Donc, ça m'a donné... Hein, ça donne une estampe additionnelle à l'album. Oui. Et est-ce que ça nous amène aussi un pas de plus vers la voie d'un French Kiss 87? Ah, ben... Il y a déjà un projet en cours. Ça va pas se faire tout de suite, mais il y a déjà un synopsis d'écrit pour une possible suite. Mais ce ne sera pas en 87. Non. En 91. Oh. On passe à une autre étape, ouais. À l'adolescence plus... Début d'adolescence, en fait. Et... c'est pas une histoire qui mérite une suite directe. Je veux dire, j'ai raconté tout ce que j'avais à raconter. C'est que des personnages secondaires deviendraient des personnages principaux. Donc, on quitte Étienne et Larousse pour aller avec d'autres personnages, c'est-à-dire là, un peu plus autobiographique, mon cousin et moi. Et avec la même liberté que tu t'es donnée au niveau créatif, un laisser-aller, si ouais. ça marche, si un laisser-aller. En fait, c'est un concours de circonstances. Le projet est accepté, mais l'éditeur a accepté un autre projet en même temps, puis il veut faire l'autre avant. Donc, on ne sait pas si ça va se faire un jour, mais il y aurait des bonnes chances. Ah bon, on croise les doigts. Oui. Et d'ici là, ben, de ce que j'en comprends, il y aura à tout le moins un autre projet, Michel oui. Falardeau, dans un délai raisonnable. Premier juré. Disons-le comme ça. Ah ben, Michel, ben, félicitations une nouvelle fois pour ton prix. Donc, je rappelle le prix Ville de Québec, donc auteur québécois édité au Québec, qui vient tout juste d'être remis à Michel Falardeau pour French Kiss 1986. Félicitations. Merci, Raymond. Et à la prochaine. À la prochaine. Et nous, ben, c'est ainsi qu'on termine donc cette émission spéciale en direct du Salon international du livre de Québec. Ce sera un plaisir, évidemment, d'être avec vous la semaine prochaine pour une autre édition de La vie en BD. La semaine prochaine, notamment, si je ne me trompe pas, on aura le plaisir de jaser longuement avec Réal Godbout autour de son album L'Amérique, qui est paru tout récemment du côté de la Pastèque. Alors voilà, ben, je remercie grandement à la mise en onde Frédéric Rondeau et Dorian Racine. C'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous cette semaine et passez une bonne semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.